travaux, que ce soit pour le nettoyage, la rénovation et la ventilation, c'est l'équipe de ProNet qu'il faut contacter. Une équipe de professionnels à votre service où la mission est votre satisfaction. Toute l'équipe de ProNet vous souhaite de joyeuses fêtes et vous remercie de l'encouragement pendant l'année qui se termine. Amusez-vous bien et soyez prudents pendant le temps des fêtes. Ce sont les vœux de Régent Côté, propriétaire de ProNet. 418-679-4178. L'équipe de la SADC Maria Chapdelaine désire vous remercier pour la confiance que vous leur avez accordée durant la dernière année et elle vous souhaite un joyeux temps des fêtes et une bonne année. Que cette nouvelle année vous apporte le bonheur, la réussite, le succès dans vos projets ainsi que l'accomplissement de vos rêves. Développement économique Canada pour les régions du Québec appuie financièrement la SADC Maria Chapdelaine. Chez Dolbeau Auto, on salue la période des fêtes en grand avec le Silverado 1500 2018 à 0% pour 72 mois. Monsieur Stéphane Fortin et tout le personnel souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année à toute sa clientèle et soyez prudents pendant la période des fêtes. Dolbeau Auto, au 1770 boulevard Walbrook, Dolbeau-Mistassini, au 418-276-0580. Michel Tifaud de CKJ s'est entretenu avec le directeur général et entraîneur-chef Yannick Jean pour parler de la période de transaction qui s'est ouverte hier, de la transaction qui a envoyé Mathieu Desgagnés à Acadie Batters. Donc on écoute l'entrevue qui a été faite sur les ondes de CKJ hier avec Michel Tifaud et Dominique Bolduc. Notre invité, c'est Yannick Jean, mais là, on va parler 3-4 questions avec le directeur général, puis après ça, le coach. Yannick Jean, bonjour. Bonjour. La période de transaction est commencée. On ne commentera pas les rumeurs, on va commenter ce qui est concret. Ben, je sais que les rumeurs, c'est pas évident pour toi là, de te prononcer. Mathieu Desgagnés, Acadie Batters, est-ce que tu avais perdu confiance en lui? Non, c'est pas une question de perdre confiance. C'est une question que Mathieu n'a jamais capable de trouver son air d'aller. C'est pas le patineur le plus rapide. Ça demeure un joueur offensif. Il est sur la grande glace du San Jose Fizina. On trouvait que c'était plus difficile pour lui. C'est un joueur offensif qui se doit d'avoir confiance offensivement. Pendant 3 saisons maintenant, a été ralenti par une blessure. À 16 ans, il était ralenti en deuxième moitié. L'an dernier, également une blessure au genou. Cette année, une blessure aux côtes. Donc, il n'a jamais été capable de prendre vraiment son envol. Puis, on voit là, qu'il y avait des plus jeunes joueurs qui avaient passé en avant de lui là, au sein de la hiérarchie d'équipe. Bon, concernant Noah Dobson, je sais que tu es prudent dans tes commentaires, Yannick, sauf que Stéphane Leroux a confirmé qu'il s'en allait à Rouyn-Noranda, puis il semblait dire qu'Acadie Batters l'envoyait à Chicoutimi parce qu'il y avait des considérations futures, puis il se retrouve à Rouyn-Noranda. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Absolument rien. Je ne peux pas commenter des rumeurs de transactions de des joueurs dans la Ligue d'Hockey Junior du Québec qui sont pas mes joueurs. OK, je pensais qu'avec Stéphane Leroux, ça se confirmait. Habituellement, ces sources sont bonnes, mais je respecte ça, Yannick. Si tu peux pas commenter, on va s'en prendre le 6 janvier. Le 6 janvier, il va avoir eu des transactions. Et là, ma prochaine question est celle-ci. Quels sont, parce qu'on pense que les Sags sont vendeurs, quels sont tes objectifs dans la période des fêtes, comme directeur général? Là. J'en ai beaucoup. Par contre, je peux pas les dévoiler tout au tout, étant donné là, justement qu'il y a toujours un jeu de négociation sur le marché. À la fin des périodes de transaction, je vais vraiment établir là, la liste là, des objectifs qu'on s'était fixés et lesquels qu'on a réussi à remplir sur ce. Stratégiquement parlant, Yannick, qu'est-ce qui est le mieux? Attendre à la fin avant de céder un joueur important ou peu importe? Là? Non, je ne crois pas. Ça dépend. Il y en a qui les font tôt. Je pense que la meilleure chose, c'est lorsque deux organisations ont ce qu'ils recherchent. Ça prend... Souvent, là, ça prend deux équipes pour un échange, mais ça prend deux équipes pour qu'ils s'accommodent. Puis, peu importe le temps, je pense pas que ça change quoi que ce soit. Je sais que tu es allé au Challenge Midget la semaine passée à la baie comme directeur général. Qu'est-ce que tu retiens? Est-ce qu'il y a des noms que tu peux nous dire que tu as remarqué ou qu'est-ce que tu retiens de ce challenge? Ben, je pense que, en dehors de la glace, là, l'organisation, je tiens à féliciter ces gens-là. On a été accueillis incroyablement là, durant ce challenge-là. Tous les directeurs généraux, les défenseurs, les entraîneurs qui ont été présents des équipes de Ligue d'hockey Junior Major du Québec avaient tous le même constat à la fin. Tout le monde était enchanté de leur expérience. Oui. Du côté de la patinoire, c'est certain que les Chevaliers de Lévis sont un peu là, d'une classe à part. Je pense qu'eux autres et Magog sont vraiment supérieurs à tout le monde dans la Ligue d'or Midget 3. Puis, ils l'ont démontré. Je pense qu'ils n'ont pas déçu. On voit là, qu'il y a des bons joueurs qui s'en viennent dans cette organisation-là. Et vous étiez combien de l'organisation des SAGS, là, les hommes de hockey, les recruteurs? Vous étiez combien? Puis probablement, vous êtes fait des meetings, je présume? Ouais, on était à peu près une dizaine. Puis on a eu un premier meeting là, d'organisation lors de la journée là, de samedi, lors de l'avant-midi de samedi. Commencer à établir là, des listes, puis où est-ce que chaque joueur là, va être placé, où est-ce que chaque joueur en est rendu dans sa progression depuis le début de la saison. Les joueurs qui avaient été identifiés en début d'année, s'ils déçoivent, s'ils remplissent, mais c'est pas nécessairement une liste là, de mettre des joueurs, de classer des joueurs dans la salle. Sans nommer de joueurs, est-ce que tes recruteurs, tes hommes de hockey t'ont dit, lui, là, Yannick, si t'es capable, ça nous le prendrait? Non, pas encore. Je pense qu'il y a beaucoup de trop tôt. Il y a beaucoup de hockey encore à être joué d'ici la fin de la saison. Puis je pense que ce serait vraiment utopique là, de faire une chose comme ça. Je vais te nommer un nom. Et tu le connais. Il s'appelle William Blackburn. C'est le gardien de but des élites midgets. On va parler avec lui demain parce qu'il connaît une saison sensationnelle. Est-ce que c'est un joueur, un gardien de but, qui pourrait intéresser les SAGS? Ah, ça, c'est la dire en ce moment. En ce moment, tu sais, comme je te l'ai dit, il n'y a pas de joueurs nécessairement. Tu sais, c'est pas une demi-saison. On se base pas sur une demi-saison pour classer des joueurs. On se base sur des saisons en entier, puis des carrières au complet, puis regarder le potentiel de développement. Je pense que tu as raison quand tu dis que ce jeune-là a connu une bonne demi-saison. Maintenant, ben, il y a encore beaucoup de travail là, devant ces joueurs-là d'ici la fin d'année. L'as-tu vu gauler à quelques reprises? Oui, lors du premier match de la saison régulière, puis lors du challenge également. Au moment où on se parle, est-ce que tu as eu des demandes? Sans nous nommer des joueurs, je sais que tu peux pas parler, mais est-ce que ton téléphone sonne beaucoup? Beaucoup, c'est relatif. Il y avait beaucoup de discussions là, dans les jours qui ont précédé la date d'ouverture du marché. Maintenant, c'est un petit peu plus tranquille. Sauf que, tu sais, c'est toujours avec les mêmes équipes là, qu'on a des discussions. Au moment où on se parle, on est mardi, est-ce que tes joueurs sont en congé à 100% de hockey, là? Oui, exactement. Ils sont retournés, là, pour la plupart, excepté un, là, dans leur famille. Sauf qu'il y en a peut-être un ou deux, là, qui avaient des examens à terminer, là, mais la plupart sont retournés dans leur famille. Je présume que les gars devront, même s'il n'y a pas de pratique des sacs, les gars devront garder la forme, parce que quand on revient en janvier, il y a plein de matchs importants. Ben, c'est même pas en janvier, vous jouez fin décembre, pense. Ouais, on joue le 28. Ouais, le match Patrice Tremblay. La priorité, c'est vraiment que les joueurs se reposent physiquement et mentalement, même si des fois, c'est un petit peu plus long à redécoller lorsqu'ils reviennent. Je pense que ça, le congé va faire énormément de bien à long terme. C'est vrai, tu n'avais parlé dans une conférence de presse après le match et tu l'avais dit que tes gars semblaient fatigués. Tu as des jeunes, hein, tu as beaucoup de jeunes dans l'équipe. Exactement. Quand c'est la première fois que tu vis le cycle, un cycle d'une saison junior majeure à l'école, les 68 matchs, le camp d'entraînement qui dure 5-6 semaines, tu sais, c'est beaucoup. C'est de l'apprentissage. Je pense que on en demande beaucoup à nos jeunes physiquement et mentalement. Donc, c'est important pour eux là, de prendre cette période-là pour se reposer. Les gars s'en vont dans leur famille. Évidemment, les joueurs russes, il y en a un qui est au défi mondial. L'autre, évidemment, il s'en va pas en Russie. Je penserais bon. Ouais. Oui, il s'en va en Russie. Kotkov est reparti dimanche. Niazev est retourné avec son club en Russie également. Là. Donc, hier, c'était la fin du championnat du monde. Dimanche. Puis lundi, hier, ils sont repartis pour la Russie. Donc, nos deux joueurs sont retournés là, là-bas. Avant de se quitter, Yannick, l'aspect médical des sacs, je sais que Zachary Lavigne s'est blessé. Peux-tu nous dire, c'est une période d'inactivité de combien de temps? On attend encore des développements. Il reste des examens à passer. La fracture de la clavicule n'est pas écartée encore, sauf qu'il reste des examens encore plus approfondis à passer avant de mettre un diagnostic final. À part ça, est-ce qu'il y a d'autres joueurs blessés importants? Non, juste des petits bobos qui devraient guérir là, dans ces 12 jours de congé-là. Puis le coach, directeur général, il est fatigué, lui? On se repose, oui. Yannick, on va te souhaiter des joyeuses fêtes. On va se reparler en janvier. Puis là, ben, tu pourras nous en dire un peu plus sur les transactions qui se seront déroulées. Hey, joyeuses fêtes.